Dans une autre planète. Je suis loin, veuillez me laisser seul. Dans une autre planète. C'était sincère, je ferai le nécessaire. Dans une autre planète. Mais pas pour ça que je vais me laisser faire. Faut qu'ils arrêtent. Si je t'aime pas, je te calcule pas. Et c'est tout. Tu fais celui qui a pas un, mais tu caches tes sous des fous. Tu me dis des goûts, tu me rends fou. Tu m'énerves quand t'es sous. Faut que tu me défoules, défoules, défoules, gars. Que tu me dégoûtes, dégoûtes, dégoûtes. Grave, ouais, le dans le monde, dégoûtes, t'es pour grave. Je compte plus les trahisons et les dessous de tableau. Qui volerait leur mère. Tu vois qu'il y en a qui te le malheur. Quel monde de dingue. Fais parler le fling fling. Si on touche à ta famille ou à tes zing zing. J'entends les pimpons à cause de la calage qui fait bang bang bang bang bang bang. Je me mets fraîche, soir je sors. Dans ma tête c'est le désordre. Pas du genre à dire tu t'embrouilles avec lui. C'est pas que mon ressort. Pas de touche ma team. Grâce à elle tu fais d'or et platine. C'est l'été sur le gamin. Si je m'envoie les mèches plantes platine. Notre planète. Mais pas pour ça que je vais me laisser faire. Faut qu'ils arrêtent.